Après ce gros morceau de l'aspect française, on s'envoie de nouveau une doublette. Zéro intelligence, 100% efficacité, les franciliens de Wolfpack, le groupe de hardcore Beatdown, sort un nouvel EP sur le label allemand Beatdown Hardware Records. Ce nouvel EP est prévu pour le 3 avril, donc encore une petite avant-première. 5 titres originaux plus une reprise de Machine Head pour Wolfpack. Voilà, l'EP prévu pour dans quelques semaines. Aujourd'hui, on va s'écouter le titre Haze de ce nouvel EP de Wolfpack. Et juste derrière, un groupe qui a fait beaucoup parler de lui, Glaciation. Groupe toujours emmené par le vocaliste Redmar. Enfin, voilà, il y a toute une embrouille autour du chipage de noms, etc. Musicalement, la qualité est toujours au rendez-vous. Artistiquement, visuellement, même l'artwork est merveilleux. Ultime Éclat, c'est le nom de ce nouvel effort studio, une sortie sur le label français Osmose Productions. Voilà, ce nouvel effort studio de Glaciation est déjà donc disponible. Et on va s'écouter tout de suite l'extrait Acta Est Fabula, Wolfpack, et juste après Glaciation. Vous êtes bien toujours à l'écoute d'Hellbanger sur Radio Béton, la version confinement de l'émission, puisque voilà, comme annoncé au début, on arrête les directs pour le moment, pour se consacrer uniquement à des émissions enregistrées, donc proposées en différé via notre blog ou via les piges de Radio Béton. Donc voilà, on continue tranquillement dans l'aspect française avec maintenant Meurtrière. Groupe français, donc, hein, puisqu'on est toujours dans la spéciale. Meurtrière qui sort son tout premier EP sous forme de démo. C'est des textes en français avec une nana au micro. Donc, grosse influence Heavy 80, Heavy assez punkisant. C'est bien efficace à écouter. Meurtrière, donc, cette première sortie est une sortie éponyme en autoprod. Et juste après ça, un groupe local, Verbal Risers, le groupe de punk hardcore, qui sort son nouvel album. Une sortie sur le label Deadlight Entertainment. Ce nouvel album s'intitule By Thunder and Lightning. Rien de neuf sous le soleil concernant Verbal Risers, hein, toujours aussi efficace et frontal leur trash crossover. Avec sur ce morceau des backing hardcore bien old school. Donc Meurtrière avec le titre Rosa et Bellum. Et juste derrière Verbal Risers avec le morceau Trash. Oh, Et pour clôturer cette petite spéciale France, on va s'écouter un titre de Cénotaphe, du black metal qui nous vient de Normandie. C'est mi-épique, mi-mélodique, ça a une identité déjà très très forte. C'est un projet orchestré autour du batteur de Angmar, bien sûr très très très actif, Mr. Fog. C'est pas vraiment dans l'aspect française, mais c'est pas très loin. On s'écoutera ensuite un titre de Klisma, groupe de Brutal Death, Slam, Grind, etc., qui nous vient de Belgique. Klisma sort son nouvel album. Donc voilà, ils comptent dans leur rang des membres de Brutal Sphincter. Ça n'a rien à voir avec ce que propose Brutal Sphincter, c'est entre très gros guillemets un peu plus sérieux. Et ça s'écoute vachement bien. Cénotaphe donc avec un extrait de leur tout premier album Monte Verita, sorti forcément sur les labels Ossuaire Records. On s'écoutera le titre Intolérante Thébaïde, et juste derrière les Belges de Klisma avec un extrait de leur nouvel album intitulé Mental, une sortie sur le label Reality Fade Records avec le titre Prélude to Extinction. Oh! retour donc à la prog internationale avec Lowrider du pur stoner desert rock US. Sauf que le groupe vient de Suède, c'est leur tout premier album en 20 ans d'existence. Soyez pas surpris si vous avez du sable chaud qui s'écoule de vos enceintes, c'est tout à fait normal. Lowrider dans la place, avec du fuzz dans les guitares partout, t'en veux, y'en a, t'en veux pas, bah y'en a quand même. Lowrider sort donc son tout premier album intitulé Refractions. On va s'écouter le titre Sun Devil. Et juste derrière, on met la tendresse de côté, Decaying Purity, groupe de slam brutal death qui nous vient de Turquie. Voilà, ils sortent un nouvel album. Voilà, c'est le genre d'album qui n'a absolument aucune pitié pour les gens qui prennent le temps de le présenter. Une sortie sur label Severed Records. L'album s'intitule Mass Extinction of the Providential Ones. Et le titre, attention, Darkness Failing Down Through the Skies. Voilà, donc Decaying Purity. Et juste avant ça, le Desert Rock de Lowrider. We'll be right back. Eh bien, on va entrer dans les 20 dernières minutes de cette nouvelle émission Hellbanger. Encore une fois, hein, on vous le rappelle, version confinée à la maison. On enregistre ça un peu comme on peut avec les moyens du bord pour continuer à vous proposer du matériel audio que l'on espère de qualité acceptable. Pour entamer ce dernier créneau, un groupe fort intéressant, Pure Wrath, du black atmosphérique qui nous vient d'Indonésie. Encore une fois, c'est vraiment pas souvent qu'on a des formations qui nous viennent de ces régions-là. Clairement, ce qui nous vient d'Asie du Sud-Est, c'est très souvent hyper extrême, hein, donc ça va être du black atmo, on a surtout du brutal death, du grind, etc. C'est fait avec les moyens du bord, un peu comme nous l'émission en ce moment, mais ça reste de très très grande qualité, dans un style donc assez classique de black atmo, ça reste assez riche et bien exécuté, et puis c'est une signature sur le label DB Mur Morty, c'est quand même pas rien. C'est un EP, pas encore un album, mais bon, comme il fait près de 30 minutes, il y a de quoi se poser 2-3 questions. Ce nouvel effort studio de Pure Wrath s'intitule The Forlorn Soldier, donc sur cet EP. Et juste derrière, Ambush, rien à voir, là on est sur du heavy suédois. Troisième album. Rappelez-vous de Stallion un peu plus tôt dans l'émission, là on est sur quelque chose d'un peu plus propre, un peu plus soigné. Mais ça reste toujours très très efficace dans le style revival. Ça se veut old school, mais bon, c'est un groupe assez récent, ça s'entend direct au niveau du son. Ambush, donc nouvel album intitulé Infidèle. Donc la doublette là tout de suite, When a Greater Man Dies, du nouvel EP de Pure Wrath, enchaîné justement au titre de l'album de Ambush intitulé Infidèle. C'est parti. Et on en arrive déjà à la clôture de cette émission plus underground que l'underground. Pestifère, ça nous vient de Belgique, c'est du technical brutal death. Voilà, notre formation belge dans l'émission d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Pestifère ? Eh ben, ils sont signés sur le label français Chaotoxin Records. Ça tricote et ça bastonne sec, hein, pour vous situer ça entre death et obscura. C'est pas non plus ce technical death hyper aseptisé, etc. On a quand même un grain vraiment death metal. Et derrière, si vous voulez un grain pure trueness, on écoutera un titre de Sign of Evil, le groupe One Man Band, qui nous vient du Chili, du Black Speed, Speed Trash, etc. Voilà, c'est le fait d'un seul type qui sort un premier EP intitulé Psychedelic Horror. Donc voilà, une doublette bien extrême pour clôturer l'émission d'aujourd'hui. Pestifère, donc la formation belge, avec un extrait de Expanding Oblivion, leur troisième album studio, avec le morceau Ominous Wanderers, pour rappel une sortie sur le label français Xenocorp Records. Et juste derrière, le groupe de Blackned, Speed Trash, presque gothicisant, qui nous vient du Chili. Voilà, c'est digne d'une BO du début des années 1920-1930. 6 titres, 12 minutes, vite fait torcher. Psychodélique Horror, l'EP est déjà dispo et on s'écoutera le titre Death Will Rise. Voilà, on espère que ce format vous conviendra malgré tout. On se donne rendez-vous tout de suite pour une prochaine émission, normalement dans les jours à venir. On va essayer de garder le tempo d'une émission par semaine. Et on va faire en sorte d'améliorer les conditions au fur et à mesure. Voilà, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Ciao, ciao.